Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, pour ainsi dire, à ce quatrième cours. Vous avez le support de ce cours sur notre Moodle. Je vous suggère d'écouter ce podcast tout en lisant le support et tout en ouvrant donc ce PDF à travers notre Moodle. Pour mieux profiter d'un dispositif binaire pour lequel les deux, le support et le podcast, ne sont pas vraiment indépendants l'un de l'autre. Dans le podcast, je fais référence aux diapositives sans forcément trop détaillé les contenus de la diapositive que je cite, tout comme certaines choses ne sont pas vraiment explicitées dans le support parce que cela est dit dans l'enregistrement, dans les podcasts. Je crois, j'espère au moins que ce temps très étrange, ce temps de la distance, de la continuité pédagogique, de l'absence, un temps étrange, disais-je, qui parfois semble se dilater et que d'autres fois ne suffit pas à faire tout ce qu'il y a à faire. Et c'est pour nous, pour les intervenants, la même chose que pour les étudiants. J'espère, je disais, comment ce temps pourra être le temps de la lecture. Pour cette raison, j'ai intégré dans ces supports quelques citations, quelques phrases issues d'ouvrages philosophiques pour la plupart, que je n'aurais peut-être pas transcrite si on n'était pas dans cette situation et si on pouvait se retrouver en vis-à-vis. Je l'ai fait, au contraire, je l'ai fait dans ces supports pour vous inviter à transformer le temps de notre habituelle présence, de notre habituelle rencontre du mardi, elle est transformée dans un temps de lecture et dans un temps de réflexion. Les contraintes actuelles nous suggèrent de modifier un tout petit peu le déroulement prévu pour ce cours, cette première phase ne pouvant être la phase la plus interactive de notre cours, sera alors la phase de la réflexion, d'abord personnelle, individuelle, et ensuite dans le cadre du binôme que vous avez constitué. Je parle pour ceux qui travaillent en binôme, évidemment. Nous avons abordé lors de nos deux derniers cours, nous avons abordé une question cruciale dans notre cours, à savoir la question de la technicité de notre rapport au monde, qui commence par la technicité de notre rapport au corps. Je ne vais pas revenir là-dessus, sauf s'il y a des questions, s'il y a la nécessité disons, de donner des éclairages concernant un passage en particulier. De mon discours. Je vous suggère, je vous invite alors à m'écrire dans le chat ou dans les forums ou pourquoi pas de m'écrire un texto, un mail pour me poser des questions concernant les cours magistraux pour que je puisse répondre lors de mes enregistrements. On a parlé donc de la question de la technicité. S'il y a quelque chose de naturel chez l'être humain, c'est sa vocation à créer, à perfectionner, à développer et à appliquer la technique au monde qui l'entoure. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose de naturel chez l'être humain, c'est cette capacité de produire des gestes efficaces et traditionnels qui donc, pour cette raison, peuvent être qualifiés de techniques. Or, je veux commencer ce quatrième cours avec cette citation. C'est une page d'un ouvrage de Pierre Lévy, de technologie de l'intelligence, publié en 1999, 90, pardon, 1990. Donc je suis sur la diapo numéro 1. L'esprit humain n'est pas un centre organisateur autour duquel tourneraient des technologies intellectuelles comme autant de satellites à son service. Il n'est lui-même qu'un agencement sans soleil central des satellites de toute taille et de toute composition. Comment délimiter nettement la pensée de ce dont elle vit et qui s'étend dans toutes les directions sans limite précise? Comment séparer l'intelligence du réseau organique objectif social auquel elle tient? Qu'est-ce qu'est l'esprit sans la main qui dessine et peint, sculpte, écrit et construit et manie le fleuret? Qu'est-ce que l'esprit sans le langage, ce véhicule ubiquitaire, demi-sujet, demi-objet, produit du collectif qui parle presque en nous comme un automate? Qu'est-ce que l'esprit sans la conversation, sans la présence du social et de tous ses appareils à mémoire? Presque rien. Pierre Lévy affirme que nous affirme qu'il ne faut pas considérer l'esprit comme une entité abstraite en dehors des mécanismes technologiques, parce qu'il fait référence à des techniques, à des technologies. En dehors des mécanismes sociaux, il parle des conversations, il parle du social, en dehors donc de la forme que nous pouvons appeler forme socio-technologique, dans laquelle l'esprit se manifeste, s'épanouit. Et c'est en se manifestant que l'esprit existe. Il n'existe pas avant, il n'existe pas en amont, un esprit qui ensuite pourrait s'incarner, se matérialiser. C'est dans la matière, c'est dans la mémoire, c'est dans la création d'un discours, d'une conversation, dans l'usage des outils, dans l'usage des techniques, que l'esprit se crée. En continuité donc avec nos deux derniers cours, pour se focaliser sur un facteur primordial, stratégique, propre à la technicité dont on avait parlé à l'aide de Marcel Mauss, et propre aussi à la matérialité de l'esprit évoquée par Pierre Lévy, je veux me focaliser justement sur la notion d'interface. Pourquoi se focaliser sur la notion d'interface alors qu'on est en train de réfléchir à la question de la technique, à la question de la matérialité de l'esprit? Parce que aujourd'hui, et en réalité depuis toujours, mais aujourd'hui d'une manière plus assumée, plus actée, déjà au niveau langagier, nous vivons dans les interfaces. Nous sommes entourés par des interfaces. La notion d'interface est une notion galvaudée par un emploi assez désinvolte et par des applications à des contextes très variés. C'est un mot polysémique. Interface qui, ainsi qu'on les verra par la suite, peut évoquer de domaines très différents. L'interface, je lis ce qui est écrit dans la diapositive numéro 2, ainsi que l'écrit François Dagonier, l'interface est ce qui sépare et en même temps ce qui mêle les deux univers qui se rencontrent en elle. L'interface devient donc la convergence de ces deux éléments. Les expériences les plus révélatrices naissent à l'interférence. L'interface est donc ce qui rend possible une interférence au sens de la rencontre, la convergence de deux univers. En général, lorsque nous mobilisons les mots interface, nous pensons à une dualité. La dualité que l'interface crée, hein, une dualité qui n'existerait pas en dehors de cette interface. Plus en général, les mots interface, je suis en train de lire ce qui est écrit sur la diapo numéro 3. Les mots interface s'accompagnent à une idée de flux, de métabolisme, de passage, d'échange, de transit, de transmission, de communication, de médiation. Selon qu'il s'agisse de la chimie, de la physique ou de la géographie, de l'informatique, du design ou de l'audiovisuel, chaque domaine adopte disons une acception spécifique d'un mot très polysémique. Cette idée de médiation en général est assez cruciale dans le concept d'interface. Et d'ailleurs, les deux mots partagent le sens de ce qui est au milieu. La médiation, c'est l'activité qui consiste dans le fait de produire un milieu, c'est l'activité du médium, c'est-à-dire le fait de produire un milieu dans lequel pouvoir créer les conditions des possibilités pour la rencontre de, encore une fois, deux univers, deux personnes, deux acteurs, deux participants en général. Et interférence, interface, ces deux mots avec ce préfixe inter, évoque ce qui est au milieu, inter, inter en latin signifie justement entre. Nous sommes donc en train de nous focaliser sur un espace qui est un espace de médiation, et qui est un espace de médiation et qui est un espace de compréhension, des communications et en général un espace d'échange. L'interface semble évoquer ce genre de notions complémentaires. Or, si vous consultez un dictionnaire très accessible comme celui du design des interfaces numériques en 170 mots clés, et que vous cherchez le mot interface, vous trouverez une définition scolaire de l'interface considérée dans son acception et dans son adoption informatique. Dans ce contexte, l'interface, c'est quoi? C'est un support, le support qui se compose d'une base matérielle, la base matérielle de la machine, et d'un logiciel, le logiciel qui s'affiche à l'écran. Ce support nous donne, nous offre de représentations. Les représentations des informations, les représentations des informations qui en réalité consistent dans des actions. Le support interface est à la fois le support d'une représentation et le support de l'action. Nous sommes dans dans ces deux paradigmes. La communication étant une action, beaucoup plus une action qu'une représentation. Alors que je peux affirmer que lorsque une image quelconque s'affiche à l'écran, je suis le plus souvent dans un schéma de représentation, ma seule action étant celle de pouvoir regarder cette image, par exemple l'image d'un tableau. Mais si vous changez de dictionnaire, ne vous inquiétez pas, si vous changez, pardon, de dictionnaire et que vous consultez le dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés, donc un dictionnaire de géographie sociale, vous trouverez là aussi, donc dans tout autre contexte, une définition d'interface. Je suis en train donc de visualiser la diapo numéro 5. Dans ce contexte, l'interface est définie comme étant une des interspatialités dont la caractéristique principale serait la mise en contact de deux espaces. Donc, cette idée de dualité demeure comme étant la mesure de l'interférence possible grâce à l'interface. Et l'interface serait la plus simple des interspatialités parce que justement, elle consiste dans un contact, dans une juxtaposition de deux éléments, de deux univers. Et donc cette dualité ferait de l'interface l'interspatialité la plus simple. La différence entre les mots espace et les mots spatialité, c'est que celui-ci, les mots spatialité, fait référence à la capacité de produire un espace. La spatialité, c'est la propriété, la puissance, la tendance à produire des espaces, c'est-à-dire des ensembles de relations de proximité, mais aussi fonctionnelles, symboliques. L'interface, donc, comme étant une interspatialité. L'interface, avant d'être un espace, est une spatialité parce qu'elle produit un espace d'échange, de flux, de métabolisme, de communication, de transmission, de compréhension qui n'existerait pas en dehors d'elle. Or, dans les deux cas, qu'il s'agisse de la définition que nous donne l'informatique ou plutôt de la définition que nous donne la géographie sociale, Ce qui est primordial dans notre discours, c'est de comprendre que l'interface n'est jamais neutre. L'interface a tendance à se faire transparente et elle essaye, pour ainsi dire, de se cacher, de disparaître, de devenir quasiment invisible. Cette transparence est considérée comme une de ses propriétés les plus performantes, les plus efficaces, les plus appréciées en termes fonctionnels, mais aussi en termes de design. L'interface qui s'efface, l'interface qui devient transparente, voudrait donc, avec cette espèce de disparition, voudrait nous dire, essayer de nous dire qu'elle n'existe pas, qu'il y a deux choses, que nous avons un rapport direct avec ces choses et que, en réalité, les dispositifs qui nous mettent en contact avec ces choses est accessoire et secondaire par rapport aux choses mêmes. Cette idée revient donc à croire que les choses existeraient telles qu'elles sont en dehors des interfaces, que les interfaces se bornent à les mettre les unes les autres en contact, en communication. Alors que la philosophie de la technologie numérique surtout, découvre plus récemment les enjeux idéologiques propres à toute interface. L'interface porte et comporte une vision du monde qui ne serait pas la même si l'interface était une interface différente. L'interface crée d'une certaine façon les choses qu'elle met en contact. Ce ne serait que pour la raison déjà intuitive que ces contacts modifient les choses même. L'interface ne doit pas être considérée, je visualise la diapositive numéro 6, comme un élément, comme un ornement, comme un élément secondaire, au contraire, comme l'élément fondateur de nos relations techniques au monde. Nous sommes toujours en train d'utiliser des interfaces. Les activités que nous menons mobilisent, convoquent dans leur déroulement des interfaces. Lev Manovich, dans cet ouvrage traduit en français en 1915 avec le titre Le langage de nouveaux médias, décrit d'abord l'interface au sens informatique, donc l'interface comme étant l'ordinateur. L'ordinateur, nous pourrions dire aussi le smartphone, pour ensuite appliquer sa théorie de l'interface bien au-delà de la dimension strictement électronique de l'interface même. L'interface, écrit-il, façonne la manière dont l'utilisateur conçoit l'ordinateur lui-même. Et la façon dont il se représente tout autre objet médiatique auquel l'ordinateur lui donne accès. L'interface organise des données. Toute interface consiste dans une certaine façon de structurer, d'organiser les données dont l'utilisateur a besoin et dont les programmes que l'utilisateur utilise a besoin lui aussi pour fonctionner. Et donc, dans ce fonctionnement, l'interface offre des modèles du monde bien distincts. Lermanovitch, je le souligne, parle de modèles du monde, pas que de modèles de l'ordinateur, pas que de modèles de logiciels, mais les modèles du monde. Notre rapport au monde est l'ensemble des actions, des actes, des activités, des comportements, des choix, des réactions, des situations que nous faisons, dans lesquelles nous agissons, que nous prenons. La manière dont nous faisons tout cela constitue un modèle, hein, au moins notre modèle à nous, le modèle du monde. Étant donné qu'aujourd'hui, nos actions passent le plus souvent par des outils, les outils de l'informatique, les outils de la technologie numérique, nous pouvons faire l'hypothèse qu'aujourd'hui, notre vision du monde, se fait sur la base des caractéristiques, sur la base du cadre de fonctionnement, sur la base du cadre d'usage aussi, de ces outils. Vous voyez que cette réflexion ne va pas sans importance. Pour disons pour une certaine conscience du rôle de l'ingénieur dans notre culture, c'est-à-dire dans la culture numérique. Si nous disons que les expériences que nous faisons du monde sont toujours médiées par des appareils, par une certaine technicité, par des gestes qui sont toujours gestes technologiquement équipés. Et alors, nous disons que concevoir ces appareils, concevoir ces dispositifs, organiser des formes, des mécanismes, des engrenages socio-technologiques, mais ça veut dire alors faire le monde. La responsabilité de l'ingénieur est, pour le dire avec la notion de Gaston Bachelard, est toujours une responsabilité phénoménotechnique. C'est-à-dire que, en tant que concepteur d'un outil, concepteur d'un ensemble d'outils et de mécanismes qu'on peut appeler dispositifs, l'ingénieur est en train par là de proposer son modèle du monde, est en train de diffuser une vision du réel, une manière de le vivre, une manière de se situer dans l'espace et dans le temps dans lequel nous vivons. Or, les industries culturelles, surtout si on pense aux industries culturelles qui s'inscrivent dans l'audiovisuel, les industries culturelles naissent avec la création de certains outils, naissent avec l'emploi de certains appareils. Il y a une idée de cinéma, on verra cela, je crois, déjà lors de notre prochain cours. Il y aurait une idée de cinéma déjà dans les grottes de Lascaux, et cette idée de cinéma pouvait exister grâce à l'emploi de certains outils. Et il y a une idée de cinéma chez les frères Lumière avec. Et par le biais d'un autre outil qui n'est pas exactement le même que celui utilisé dans les grottes de Lascaux. Mais l'esprit, l'idée, la valeur symbolique et culturelle ne va jamais toute seule, elle s'accompagne d'une base technique et matérielle sans laquelle cette idée ne pourrait tout simplement pas exister. Or, je suis à la diapo numéro 8. Si on pense à l'interface que nous utilisons aujourd'hui les plus souvent, cette interface, on peut l'affirmer sans peur d'être démenti, cette interface est l'écran. Avec un néologisme quelque part inélégant, certains auteurs soutiennent que la culture numérique, les pratiques, les usages numériques comportent l'écranisation du réel. Le réel est passé, pour ainsi dire, de l'autre côté de l'écran, finalement. Le réel est sur l'écran. Réel est ce qui s'affiche à l'écran. Réel est ce qui est dans l'écran, c'est-à-dire dans le cadre. Notre expérience du monde, déjà au niveau optique, visuel et par là intellectuel et cognitif, ne peut que être cadrée, encadrée. Comprendre un événement signifie l'insérer, hein, l'inclure dans un contexte de données, ces contextes de données, qu'ils soient des données visuelles, qu'ils soient des données informatiques, qu'ils soient des données historiques, ce contexte-là est un cadre. Donc je ne parle pas de cadre seulement au sens visuel, mais plutôt plus en général au sens cognitif. Nous avons besoin d'un cadre pour comprendre le réel. Le réel, encore mieux si vous voulez, n'existe pas en dehors du cadre. Je fais alors un petit... Je passe à la diapositive pour revenir ensuite en arrière, mais je passe à la diapositive numéro 12 pour développer davantage cette idée à l'aide de la réflexion de Weismann, auteur d'un ouvrage dédié à l'histoire de la fenêtre. Weismann, dans cet ouvrage, réfléchit aussi à la conception de la perspective chez Léon Battista Alberti, donc la perspective de la peinture de la Renaissance florentine, hein, qui n'est pas la seule perspective à avoir été conçue dans l'histoire des arts figuratifs, mais qui constitue cette perspective de Léon Battista Alberti constitue un paradigme pictural, esthétique, artistique et par là cognitif, intellectuel, culturel fondamental dans l'histoire, au moins dans l'histoire de la culture, disons, occidentale. La perspective de Léon Battista Alberti permettait de cadrer notre expérience visuelle d'une autre façon par rapport à ce qu'on avait vu faire à ce moment. Alors, Weismann nous aide à saisir la particularité de la fenêtre comme étant l'instrument dont nous avons besoin pour penser le monde. La fenêtre pense le monde. Nous avons besoin d'une fenêtre pour penser le monde. Pour que ce monde puisse exister pour un sujet, hein, le sujet qui le regarde, hein, et il nous faut une fenêtre. Fenêtre comme étant une interface. comme étant un seuil, comme étant la distance dont j'ai besoin pour pouvoir développer ma théorie du réel, ma théorie des choses. Les mots théoria partagent la même origine étymologique que le mot regard. Le verbe théaomai en grec signifie regarder. Et à partir de ce verbe théaomai, nous avons le mot théâtre et le mot théoria. Et le regard a été toujours considéré comme étant le sens le plus intellectuel. Pourquoi? Parce que le regard implique, à la différence du toucher, une distance, un recul. Cette distance, la distance du regard, est la distance qui me permet de comprendre, qui me permet de voir, qui me permet de penser. Je reviens alors à la diapo numéro 8. Cette théorie peut s'appliquer à un contexte et à une industrie culturelle comme celui et celle du cinéma. Jean-Louis Comolli, que vous voyez cité dans cette diapositive, est un cinéaste et philosophe du cinéma, qui a écrit plusieurs ouvrages de théorie et philosophie du cinéma, dont Voir et pouvoir. Jean-Louis Comolli se pose des questions. Qui regarde qui? Qui montre quoi? Qu'est-ce qui est montré? Qu'est-ce qui est caché? Où suis-je dans le regard de l'autre? Dans la mise en scène de l'autre. Ces questions-là, selon Comolli, sont tout à la fois les questions du cinéma, les questions du spectateur, les questions du directeur de la photographie, les questions du réalisateur, les questions de tout un chacun. Rencontrer quelqu'un en dehors d'une salle de cinéma et en dehors d'un set de tournage, rencontrer quelqu'un, selon Comolli, revient à rencontrer sa mise en scène à lui par le biais de ma mise en scène à moi. Nous sommes disons, des mises en scène mobiles, des mises en scène itinérantes. L'homme comprend le monde en le mettant en scène. La scène est par excellence le lieu du regard, donc de la théoria, en grec, de la théorie, de l'idée, et de l'action. C'est ça, la scène, définition scolaire de ce qui est la scène dans un espace théâtral, c'est le lieu de l'action. Là où quelque chose est en train de se passer, et c'est le lieu du regard, parce que c'est là, c'est dans cette direction qu'il faut regarder. Ce que je vois, écrit encore Comolli, me montre d'où je vois et comment je vois. L'objet de mon regard n'est pas passif, il m'explique où je suis pendant que je le vois. Et il correspond toujours à la façon dont je suis en train de les regarder. Il y a plusieurs objets parce qu'il y a plusieurs façons de les regarder. On pourrait parler, si vous voulez, dans ce cas-là, de ingénierie du regard ou d'ingénierie cognitive. L'ingénierie du regard, ingénierie esthétique aussi à l'occurrence, pour laquelle récemment les écrans, ainsi que vous pouvez les voir dans cette photo, les écrans s'invitent toujours plus dans les plateaux du théâtre. Et en faisant cela, les écrans comportent une sorte d'éclatement de la scène. La scène n'est plus bornée à la surface et de la du plateau, mais elle connaît de dédoublements, elle connaît des éparpillements du regard et de l'attention et de la présence grâce à l'interaction avec l'écran. Ce qui change par là, c'est l'expérience de l'acteur et c'est l'expérience du spectateur, à partir du moment où les écrans surplombent les plateaux du théâtre, la scène de la pièce théâtrale. On reviendra plus loin dans notre cours sur cette spécificité. Supposée spécificité du théâtre par rapport au langage du cinéma. Mais ce qui est important maintenant, c'est de s'approprier cette complexité théorique et conceptuelle, pour laquelle notre regard ne peut qu'être orienté, ne peut qu'être influencé. Faut assumer, faut acter cette influence, faut assumer comprendre ces conditionnements, faut le gérer, essayer pour ainsi dire de le maîtriser, sachant, je répète, que toute expérience de notre vie et que tout acte cognitif est cadré. On parlait tout à l'heure des fenêtres avec Weismann. La fenêtre pense le monde. J'ai besoin de la fenêtre pour penser le monde. Je me suis amusé à faire un collage de trois tableaux de Magritte. Un des objets fétiches de son art est la fenêtre. Fenêtre énigmatique, fenêtre parfois cauchemardesque, fenêtre inquiétante, fenêtre qui ouvre sur le noir, sur le vide ou alors sur la forme de l'homologation sociale. J'aimerais comparer avec vous ces deux types de fenêtres. Vous voyez la fenêtre d'un vis-à-vis parisien qui est sur la diapo numéro 10 et le mouche-arabier que vous avez sur la diapo suivante. Cette fenêtre, la fenêtre de cet appartement parisien, met en contact, met en relation l'espace domestique, donc l'intérieur, avec l'espace public, l'extérieur, par le biais de la lumière, par le biais des vitres, et parce que dans cette interface qui est la fenêtre d'un vis-à-vis parisien, n'est pas prévu qu'on utilise, qu'on emploie de support ou des outils nous permettant de nous cacher. On ne se cache pas. On cherche au contraire à avoir plus de lumière que possible, et cela pour des raisons, bien sûr, climatiques. Déjà, on est dans une ville dans laquelle on a besoin de lumière, parce qu'il n'y en a pas trop, pas toujours, mais aussi pour des raisons culturelles, pour lesquels ce qui est de l'ordre de l'intime, du privé, peut ne pas se cacher, au contraire s'exposer au regard légitime, pas du tout obscène, c'est-à-dire pas du tout hors de la scène, mais au contraire compris dans la scène de son voisin. Tout autre contexte climatique et culturel, si on pense au musharabieh. Le musharabieh, c'est cette fenêtre traditionnelle de plusieurs pays, pays méditerranéens et arabes. Un dispositif qui permet à la personne qui est à la maison de reconnaître le visage de la personne qui est en bas et qui vient d'appeler ou de sonner sans que cette personne sache s'il y a quelqu'un dans cet appartement. Les musharabieh répondent donc à des exigences climatiques. Dans ces pays, il y a beaucoup plus de soleil, il fait beaucoup plus chaud. Et alors, c'est bien de se protéger du soleil, mais aussi à des codes et à des protocoles culturels. La personne qui est à la maison est le plus souvent la femme, au moins dans une vision traditionnelle selon laquelle la femme est censée s'occuper du ménage. Donc travailler à la maison pour s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, et donc c'est pour protéger la femme que les musharabieh fonctionnent en donnant un pouvoir énorme, le pouvoir de voir sans être vu. C'est un pouvoir quasiment magique. Vous voyez, si vous considérez ces deux exemples, là aussi on pourrait parler d'ingénierie du regard. Une ingénierie du regard, vous voyez, est riche de valeurs politiques parce que une certaine idée de pudeur, une certaine idée de ce qui est privé et public, de ce qui est accessible ou pas au regard de l'autre, de ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur, une certaine idée de ces valeurs sociales et politiques est refaçonnée d'une manière à Paris ou d'une autre, à l'occurrence à Tunis. Je reviens finalement donc sur l'aspect théorique de ces deux exemples, les exemples de du plateau du théâtre avec des écrans, hein, et la fenêtre parisienne, la fenêtre tunisienne. Levmanovic explique à quel point, à partir de notre familiarité, je suis sur la diapositive numéro 13, à partir d'une certaine familiarité avec le logiciel, avec les outils que nous utilisons tous les jours, nous sommes en train de créer un système de compréhension. Un système de compréhension. Compréhension de nous-mêmes, compréhension des autres, compréhension du monde. La fenêtre parisienne me donne une certaine compréhension de ce que ça veut dire être un individu dans une certaine communauté à une époque donnée, un individu qui tout étant chez lui ne cache pas vraiment la dimension du privé et de l'intime. La fenêtre tunisienne me donne la compréhension d'un autre monde, d'une autre culture dans laquelle ces frontières entre intérieur et extérieur, au niveau logistique aussi bien que spirituels et politiques sont vécus de toute autre manière. Les stratégies engagées dans le travail avec des données informatiques deviennent nos stratégies générales, écrit Manovitch. Les stratégies, nous avons besoin de certaines stratégies pour écrire avec un éditeur de texte, pour naviguer sur les web, c'est-à-dire nous avons besoin de coordonner de façon efficace et en suivant une finalité précise toute une série d'actes. Avoir une stratégie signifie cela. Donc nous avons des stratégies, des méthodes, les méthodes avec lesquelles nous utilisons les outils. Nous utilisons les appareils numériques deviennent nos stratégies générales. La stratégie de la recherche sur un moteur de recherche numérique influence la façon dont je cherche ce que je suis en train de chercher en dehors du web, dans une librairie, dans une bibliothèque, dans un magasin de chaussures. La façon dont je fais la connaissance de quelqu'un dans un site de rencontre, dans un réseau social, influence la manière dont je fais la connaissance de quelqu'un en dehors de ces sites de rencontre, de ces réseaux sociaux. Il ne faut pas penser aux espaces numériques comme étant des espaces étanches. Ils sont au contraire des espaces qui dialoguent avec les autres espaces sociaux de notre existence. La conception des logiciels, de l'interface homme-machine, reflète la logique, l'idéologie et l'imaginaire de la société contemporaine. J'aimerais relire cette phrase. La conception des logiciels, de l'interface homme-machine, reflète la logique, l'idéologie et l'imaginaire de la société contemporaine. Si un ingénieur est celui qui produit une interface homme-machine, une interface informatique, numérique ou d'autres genres, pourquoi pas une interface mécanique, une interface électrique, cette interface reflète la culture dans laquelle cette personne baigne. Mais la culture n'est jamais actuelle. N'est jamais actuel. En étant les, disons, tout en reflétant la logique, l'idéologie et l'imaginaire de la société contemporaine, l'idée d'une interface est déjà en train de, disons, d'avancer d'une certaine manière ce qui va arriver. La culture n'est jamais actuelle. Ça veut dire qu'elle a déjà des prémices, elle a déjà des anticipations, elle a déjà une puissance, la puissance vers les créations qui peuvent arriver et qui peuvent donc par là la modifier. La responsabilité culturelle, politique, l'intérêt aussi intellectuel, si vous voulez, et scientifique, de la création du travail propre à un ingénieur consiste justement dans cette lecture. Je peux lire une interface homme-machine selon les codes, selon les valeurs, selon les idées propres à une certaine culture. L'idée fondamentale, si vous voulez, de notre université, de l'Université des technologies de Compiègne, est d'une façon encore plus spécifique, je crois, l'inspiration générale d'un département comme le département technologie et sciences de l'homme, c'est justement l'idée pour laquelle dans la machinisation de l'homme, faut reconnaître, et dans l'hominisation de la machine, faut reconnaître des valeurs humaines et des caractéristiques propres à la machine aussi. Il y a de fortes chances pour que nous retrouvions à l'œuvre dans la culture, dans son ensemble, les opérations particulières qui dominent les programmes des logiciels. Les logiciels que nous utilisons comportent des idées, une certaine idée de hiérarchisation des contenus et des données, une certaine idée de ce que ça veut dire créer les conditions pour la rencontre entre deux personnes, une certaine idée de ce que ça veut dire acheter et se faire livrer à la maison un objet donné, une certaine idée de ce que ça veut dire prendre une photo pour la partager. Ces idées s'incarnent dans les interfaces qui les rendent possibles. Ces idées, tout comme l'esprit dont parlait tout à l'heure Pierre Lévy, n'existent que dans la concrétisation, dans la matérialité de leur support, de leur dispositif. Nous parlerons lors de notre prochain cours, sans quitter la question et la dimension de l'interface, nous parlerons de l'histoire de certaines interfaces propres à l'histoire de l'audiovisuel, certaines étapes qui ont scandé notre rapport à l'image, les formes culturelles de réception de l'image. Et je veux introduire celui qui sera le thème de notre prochain cours avec cette réflexion de Serge Tisseron, psychanalyste. L'utilisation d'un médium conduit inévitablement son utilisateur à intérioriser la logique spatiale qui est mise en jeu autant que les contenus qui sont mis en scène. Dans un médium, alors, il y a une mise en scène qui fait la logique, c'est-à-dire qui crée les conditions de compréhension, les conditions de possibilité de la compréhension que je peux avoir d'un événement quelconque. Il y a donc une mise en scène. Et c'est cette mise en scène, ce que je peux intérioriser. Intérioriser une mise en scène ou une logique spatiale revient à faire comme si cette mise en scène et cette logique spatiale n'appartenaient plus à un monde extérieur, mais à mon intériorité. Je peux intérioriser la logique de l'algorithme du moteur de recherche de Google. Je peux intérioriser l'esthétique des filtres photographiques sur Instagram. Je peux intérioriser la temporalité de l'achat en ligne. À ce moment-là, cette temporalité sera la mienne, même lorsque je me trouve dans un magasin, hein, et que je veux à tout prix exactement l'objet que j'ai vu sur le web, par exemple, que je n'accepte pas que cet objet ne soit pas dans ce magasin, parce que j'ai intériorisé cette logique. Trompeuse pour laquelle dans les web on trouve tout ce qu'on cherche et on le trouve tout de suite et on se fait livrer cet objet du désir dans l'espace de quelques heures. Intérioriser cette temporalité, cette spatio-temporalité revient à vivre toute expérience de sa vie dans les web et en dehors du web au prisme justement de cette logique. Donc, ce sera à partir de cette réflexion de Serge Tisseron que nous allons réfléchir lors de notre prochain cours à certaines étapes de l'histoire de l'audiovisuel et de la réception des formes de réception, des consommations de l'image.